En utilisant difficile, D-I-F-I accent aigu, C-I-L pour difficile, et en pensant que le « de » dans des constructions telles que « c'est facile de », « c'est important de » ne se traduit pas en espagnol, dites-moi, ce n'est pas difficile de former ces mots. No es difícil formar estas palabras. No es difícil formar estas palabras. Le contraire de difícil est fácil. F, accent aigu, C-I-L. Vous auriez pu le deviner seul, n'est-ce pas? Donc, comment diriez-vous, sans traduire le de? Ce n'est pas difficile de former ces mots. C'est facile. No es difícil formar estas palabras. Es fácil. No es difícil formar estas palabras. Es fácil. Bien. Voici un autre verbe discipliné se terminant en ar. Il s'agit de gastar. G-A-S-T-A-R. Qui signifie dépenser. En utilisant aunque, A-U-N-Q-U-E, pour dire même si, comment diriez-vous? Même si Roberto a beaucoup d'argent, il n'aime pas le dépenser. Pensez que l'on dit littéralement « ça ne lui plaît pas, dépensez-le ». Je vous redonne la phrase. Même si Roberto a beaucoup d'argent, il n'aime pas le dépenser. Aunque Roberto tiene mucho dinero, no le gusta gastarlo. Aunque Roberto tiene mucho dinero, no le gusta gastarlo. Aviez-vous retrouvé « no le gusta gastarlo » Ce n'était pas facile. Profitons-en pour revoir comment exprimer ce que l'on aime ou pas. Pour « j'aime », on utilisera « me gusta », qui signifie littéralement « ça me plaît ». Utilisez toujours comme point de référence la structure française avec « plaire ». Vous arriverez ainsi à retrouver la construction espagnole sans difficulté. Comment direz-vous alors « j'aime lire » Pensez à « lire me plaît ». Leer me gusta. Leer me gusta. Lire me plaît. Mais on dira plutôt en espagnol me gusta leer, avec me gusta au début de la phrase. Et si vous voulez dire j'aime les livres, vous emploierez me gustan los libros. On a me gustan, car la structure est les livres me plaisent. Donc, gustar s'accorde avec son sujet qui est ici libros. En utilisant « le gusta » pour dire « il aime » et « estudiar » E-S-T-U-D-I-A-R pour « étudier », comment direz-vous « il aime étudier » Très bien. « Le gusta estudiar » « étudier lui plaît ». Et si « marcher » se dit « caminar » C-A-M-I-N-A-R, on retrouve dans ce verbe le mot « camino » qui signifie « chemin ». Et en utilisant « nos gusta » pour « nous aimons », comment direz-vous « nous aimons marcher lentement » Je vous rappelle que pour construire « lentement », vous devez prendre le féminin de « lento » et ajouter « mente ». Nos gusta caminar lentamente. Nos gusta caminar lentamente. Et pour parler de quelque chose que l'on aimait faire, une action dans la durée, comment direz-vous « nous aimions manger dans ce restaurant ». Nos gustaba comer en este restaurante. Littéralement, manger dans ce restaurant nous plaisait. J'espère aussi que vous avez bien dit « restaurante » et non « restaurante », comme le disent souvent les Français. Toutes les lettres se prononcent en espagnol. Donc, il faut dire le « a » et le « u » et le « a » et le « n ». Restaurante. Et si « j'aimerais » se dit « me gustaría » G-U-S-T-A-R-I accent aigu « a » parler « hablar » H-A-B-L-A-R et « avec toi » « contigo » C-O-N-T-I-G-O, comment diriez-vous « j'aimerais parler avec toi, Roberto » Me gustaría hablar contigo, Roberto. Me gustaría hablar contigo, Roberto. Pour vous souvenir de hablar, pensez au mot français hableur, désignant une personne qui parle beaucoup. souvent en exagérant et en se vantant. Maintenant, en utilisant bailar, B-A-I-L-A-R pour danser, comment diriez-vous « il aime danser » ? Vous direz littéralement « danser lui plaît », mais avec « gustar » en premier. Le gusta bailar. Le gusta bailar. Maintenant que vous connaissez les fonctionnements de cette structure, vous pourrez vous entraîner à créer vos propres phrases. Dans tous les cas, en voici une dernière. Comment diriez-vous, avec « il » au pluriel, « il n'aime pas danser » ? Littéralement, « danser ne leur plaît pas ». No les gusta bailar. No les gusta bailar. Gusta est au singulier, car il s'accorde avec « danser ». Bailar, c'est danser, ici, qui plaît ou non. Les fait référence à plusieurs personnes. Danser ne leur plaît pas. Il faut donc être vigilant quand on utilise gustar. Il faut bien indiquer si ça me plaît, me gusta, ça lui plaît, le gusta, ça nous plaît, nos gusta, etc. Sinon, notre interlocuteur ne nous comprendra pas. Ensuite, il faut faire attention à ce qui nous plaît. Si c'est un mot au pluriel, il faudra employer gustan. Par exemple, me gustan los libros. J'aime les livres. Littéralement, les livres me plaisent. Voyons un autre verbe en ar. Il s'agit de gagner, qui se dit ganar. G-A-N-A-R. Si quand se traduit par cuando, C-U-A-N-D-O, comment traduirez-vous? Je ne gagnais pas beaucoup d'argent quand je vivais à Madrid. No ganaba mucho dinero cuando vivía en Madrid. No ganaba mucho dinero cuando vivía en Madrid. Le fait de ne pas gagner beaucoup d'argent est une action continue dans le passé, et non un moment précis. Il en est de même pour « vivait à Madrid ». Ces deux actions se répètent et décrivent une ligne continue dans le passé. C'est le temps des longueurs. Les terminaisons sont alors « ab » pour les verbes en « ar » et « ia » pour les autres. On a donc « ganaba » et « bibia ». Essayez de toujours bien prononcer les terminaisons, sinon au risque de ne pas vous comprendre. Bon, continuons. « Au moins » se dit « por lo menos » et s'écrit en trois mots. Littéralement, « pour le moins ».« Por » P-O-R, plus loin « lo » L-O, et ensuite, « menos », M-E-N-O-S. Et, comme vous le savez peut-être déjà, « heureux » se dit « feliz », F-E-L-I-Z. Pensez à « féliciter » en français. Donc, comment diriez-vous ? « Je ne gagnais pas beaucoup d'argent, mais au moins, j'étais heureux. » « No ganaba mucho dinero, pero por lo menos era feliz. » No ganaba mucho dinero, pero por lo menos era feliz. Feliz, félicité. N'hésitez pas à faire des associations pour vous souvenir des mots. Même si celles-ci sont parfois saugrenues, cela n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est qu'elles vous aident. Sinon, aviez-vous retrouvé « era » pour « été » ? Le verbe « ser » est un verbe très rebelle. Il ne se conjure pas du tout comme les autres.